Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, une plage du Pas-de-Calais, un présumé ensorcellement vaudou et un infanticide, c'est la triple signature de l'affaire Fabienne Cabot. En 2013, cette femme de 36 ans abandonne sa fille de 15 mois sur une plage de Berck-sur-Mer, à marée montante. L'enfant ne survivra pas. Elle avouera très vite son crime, sans pour autant pouvoir l'expliquer. « J'étais poussée dans le dos », dira-t-elle, « guidée par la lune et par des esprits maléfiques ». Une réponse difficilement audible pour quiconque cherche à comprendre rationnellement pourquoi Fabienne Cabot a tué sa fille. Car ce crime, l'infanticide, c'est la transgression ultime. Quant à la méthode employée, que dire, sinon maléfique? Et parce que cela dépasse l'entendement, cette question lancinante, pourquoi ce geste de la part d'une mère a priori sans histoire, issue d'une famille sénégalaise aisée, férue de philosophie, qu'on dit intelligente et cultivée? Eh bien, c'est ce que la cour d'assises de Saint-Omer va tenter d'établir en juin 2016. Retour sur une quête de rationalité qui va se heurter à la complexité de l'être humain et, en l'occurrence, de cette femme, Fabienne Cabot. Notre invité aujourd'hui, Pascal Robert-Diard, chronique judiciaire au Monde. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA. Récit documentaire, Jeanne Maillère, coordination Christophe Barrère, réalisation Marion Lelay et Stéphane Combe. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Mercredi 20 novembre 2013, tôt le matin, il pleut quand des pêcheurs de crevettes aperçoivent une masse indistincte sur la plage de Berck, dans le Bas-de-Calais. Un phoque échoué, pense l'un d'eux. Mais quand il s'approche, c'est un enfant, la tête dans le sable, qu'il découvre, avec effroi. Oui, un petit cadavre, emmitouflé dans une combinaison trempée, portant moufles et bottines. La petite fille, car c'est une petite fille, métisse, les yeux bleus, les cheveux bouclés, semble âgée d'un an, peut-être deux. L'hélicoptère de la Marine nationale qui survole la zone dans l'après-midi ne repère aucun autre corps ni embarcation. Et malgré les fortes rafales qui balaient la Manche, la piste d'un naufrage est rapidement écartée. D'autant que l'enfant ne semble pas être resté longtemps dans l'eau. En revanche, l'autopsie effectuée le lendemain confirme que la petite fille est bien morte noyée. Alors, accident, suicide d'un parent qui aurait entraîné son enfant dans la mort, abandon, meurtre. Une chose est sûre, avant de mourir, la fillette n'avait subi aucune violence physique. À la demande du parquet de Boulogne-sur-Mer, une enquête est donc ouverte. Sur les caméras de surveillance des gares de Berck et du Nord à Paris, les enquêteurs repèrent une femme avec un bébé dans une poussette. Une femme noire qui pourrait être une parente ou la mère de la petite fille métisse retrouvée à Berck. Ils établissent l'itinéraire de la suspecte, un train et un bus depuis Paris vers Berck, puis un hôtel près de la plage. La veille de la découverte du corps de l'enfant, la réceptionniste de l'hôtel Le Littoral a effectivement loué une chambre à une certaine Madame Cabot et à sa petite fille. Elle a pris aussi les horaires des marais, et vers 21h, l'employé les a vus sortir se promener, surprise d'ailleurs, car la nuit était déjà noire. Dehors, la mère a demandé le chemin de la plage à un promeneur. Puis elle est rentrée seule, vers 21h40. Elle est repartie le lendemain en train, direction Paris, après une excellente nuit, comme elle l'a confié à l'hôtelier. Grâce à un avis de recherche et à un numéro vert, la femme de l'hôtel est finalement identifiée 10 jours après les faits. Et c'est bien son véritable patronyme qu'elle a donné à la réceptionniste à Berck. Cabot, Fabienne Cabot, une franco-sénégalaise de 36 ans, dont la police retrouve la trace à Saint-Mandé, une banlieue chic du sud de Paris. C'est là qu'elle vit, dans l'atelier loft d'un sculpteur, Michel Lafont. Cet homme de 63 ans héberge effectivement Fabienne Cabot avec sa petite Adélaïde de 15 mois. L'enfant n'est pas sa fille, précise-t-il dans un premier temps, avant de se rétracter. Oui, il est bien le compagnon de Fabienne Cabot et il est bien le père de l'enfant. Adélaïde, pense-t-il savoir, est depuis peu partie au Sénégal vivre chez sa grand-mère. C'est donc avec stupeur qu'il apprend la vérité. Sa fille a été retrouvée morte, noyée sur une plage de Berck au matin du 20 novembre 2013 et la mère, Fabienne Cabot, est placée en garde à vue. C'est dans cet immeuble que la mère de l'enfant, arrêtée hier en fin d'après-midi, était hébergée. Toute la soirée, les policiers ont fouillé l'atelier d'artiste qu'elle occupait, avec un homme, sculpteur de profession. Selon plusieurs témoins, il vivait ici depuis plusieurs années. Quand on a vu l'appel à témoins, on a regardé, mais bon, voilà. Déjà, pour nous, elle n'avait pas d'enfant, donc ça ne pouvait pas être cette personne. Et puis après, voilà, la photo, à première vue, n'est pas parlante. Maintenant, quand on regarde, oui, elle a des lunettes, elle est de type, on va dire, africain, mais rien de plus. On l'a envoyé passer, on l'a vu avec le couple, elle est plus vieux qu'elle. La poussette, on l'a vu, l'enfant, il était dedans aussi, hein. Les analyses ADN ont confirmé ce matin que la femme de 36 ans d'origine sénégalaise est bien la mère de l'enfant, retrouvée morte noyée à Berck. Vous en avez mis du temps. C'est ce que Fabienne Cabot reproche aux policiers qui viennent l'arrêter. Ce 29 novembre 2013, 10 jours après que sa fille de 15 mois a été retrouvée noyée sur la plage de Berck. Un demi-aveu, rapidement suivi d'une confession bonne et due forme dès les premiers interrogatoires. Oui, Fabienne Cabot le dit, sans détour, elle a tué sa fille, Adélaïde. Lors d'une audition fleuve qui durera près de 10 heures, elle livre au juge d'instruction et revive la main qu'un récit chronologique des faits très détaillé. Ce matin-là, le 19 novembre 2013, Michel Lafont accompagne Fabienne Cabot et Adélaïde à l'arrêt de bus. Il pense que sa fille s'apprête à s'envoler pour le Sénégal, où la petite doit passer un an afin que sa mère puisse se consacrer à son doctorat sur le philosophe autrichien Ludwig Wittgenstein. Mais elle se dirige en secret vers la gare du Nord, avec l'enfant, direction Berck. Une ville qu'elle a choisie notamment parce que les coefficients de marée y sont importants. Arrivée dans le Pas-de-Calais, dans l'après-midi, elle emmène sa fille marcher, jouer sur la plage, avant de prendre une chambre à l'hôtel Littoral. Fabienne Cabot s'y douche longuement avec Adélaïde, puis elle se rend sur la plage, où elle donne le sein à sa fille. « Pardon », chuchote-t-elle à la petite qui s'endort doucement entre ses bras. La suite, c'est elle qui la raconte au juge d'instruction. Je reste debout, je la serre contre moi, et puis là, je dis non, non, non, non, je n'arrête pas de dire non. Je ne sais pas pourquoi, je pleure et... Comme si je disais à quelqu'un, je peux pas faire une chose comme ça. Mais je le fais. On aurait dit que j'avais le vent dans le dos. C'est comme si je me sentais portée. Je n'arrivais pas à dire stop. C'est ainsi, portée par une force qu'elle ne maîtrise pas, que Fabienne Cabot raconte avoir ensuite déposé le bébé sur le sable trempé par la marée montante avant de rejoindre sa chambre d'hôtel seule. Mise en examen pour assassinat et placée en détention provisoire, elle refuse tout d'abord d'être défendue. « Je suis indéfendable », explique-t-elle à l'avocate Fabienne Roy-Nancion, qui se propose alors de l'accompagner plutôt que de la défendre. Mais la pénaliste est vite confrontée à la complexité de sa cliente, qu'elle sent à la fois réfractaire et impénétrable, intelligente et irrationnelle. « Comment vais-je faire pour comprendre ce qu'elle dit ?» se questionne l'avocate. Face à la presse, immédiatement très pressante, Maître Roy-Nancion tente de donner une première réponse à la question que tout le monde se pose alors. Pourquoi Fabienne Cabot a-t-elle laissé sa fille sur cette plage ? Une femme qui, je crois, dans un moment de détresse, d'isolement, de solitude absolue, est passée à l'acte. Elle réalise ce qu'elle a fait. Elle est totalement consciente de son acte. Bien sûr qu'elle exprime des remords. Pour elle, cet enfant n'était pas nécessairement désiré. Elle avait été une bonne surprise pour elle, peut-être pas forcément pour le père de cet enfant. Elle concevait pour cet enfant un avenir qui était noir. Alors ça, pourquoi ? Peut-être qu'on le verra plus tard. Et c'est comme si finalement, elle l'avait un peu euthanasié. L'instruction l'a rapidement démontré. La petite Adélaïde, que Fabienne Cabot dit avoir tuée pour la protéger, n'était pas une enfant comme les autres. Certes, elle était bien nourrie, n'avait souffert d'aucune violence physique, mais elle n'avait pas d'existence sociale. Non seulement cet enfant sortait très peu de l'atelier de Michel Lafont, mais Fabienne Cabot lui avait donné naissance seule, chez elle, sans rien dire à personne. Ni à son compagnon qui avait découvert le bébé en rentrant d'un déplacement, ni à l'administration, puisque la petite n'a pas été déclarée à l'état civil. C'est donc sous X qu'Adélaïde Cabou est enterrée le 10 décembre 2013 dans le carré des indigents du cimetière de Boulogne-sur-Mer, près de 3 semaines après la découverte de son corps. Une cérémonie discrète, en présence de la mère et du père de Fabienne Cabou, qui va susciter une grande émotion en France. Peluches, fleurs et bougies ornent bientôt la sépulture de la petite fille, par dizaines. Fabienne Cabou, elle, encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Il est 8h10 sur Inter. Elle avait laissé son enfant sur une plage à marée montante. Le procès de Fabienne Cabou s'ouvre aujourd'hui devant les assises de Saint-Omer. Procès pour assassinat pour celle qui avait volontairement abandonné sa petite fille de 15 mois, Adélaïde, sur la plage de Berck en novembre 2013. Un infanticide au mobile obscur devant les enquêteurs. Fabienne Cabou, qui a reconnu son geste, avait expliqué qu'elle craignait que sa fille ne souffre comme elle. L'enfant n'avait pas été déclaré à la naissance. Il n'avait pas d'existence légale. Une histoire et un procès atypique. Lundi 20 juillet 2016, Fabienne Cabou comparaît devant la cour d'assises du Nord à Saint-Omer pour l'assassinat de sa fillette Adélaïde. Incarcérée depuis 2 ans et demi à la maison d'arrêt de Séquedbin, l'accusée a reconnu les faits en 2013. Ce n'est donc pas sa culpabilité qui va être interrogée lors de ses 5 jours d'audience, mais sa personnalité, ses failles, ses fragilités, son enfance, son vécu, bref, ce qu'elle est. Avant le début du procès, son avocate le promet devant les caméras de télé, sa cliente se montrera telle qu'elle est vraiment. Impressionnante d'abord, fascinante. Ce sont les mots qui reviennent souvent dans les articles de presse ou parmi le public. Parce qu'elle se tient droite et digne quand on imaginait une attitude de contrition. Parce qu'elle est élégante et belle dans son chemisier blanc, ses cheveux soigneusement tirés en arrière. Parce qu'elle choisit ses mots avec précaution, qu'on connaît son QI 135 et qu'elle fait preuve à chaque instant d'une culture certaine. Ou bien parce que c'est une femme digne, gracieuse, supérieurement intelligente, cultivée et noire face à des interlocuteurs, enquêteurs, avocats, juges, experts, essentiellement blancs et hommes. Fabienne Cabou, intrigue et trouble. On n'est pas habitué à voir des gens comme elle dans les geôles de garde à vue ou dans les prisons, confie d'ailleurs le juge d'instruction Hervé Vlaminck. Fascinante donc, et froide aussi. C'est ainsi que Fabienne Cabou se donne à voir le premier jour de son procès, lorsqu'elle décrit avec distance et précision le crime qu'elle a commis. Non seulement elle ne pleure pas quand elle raconte la mort de sa fille, mais elle peut aussi se montrer cassante, dure et même cynique quand elle se sent attaquée. Et puis elle a cette habitude agaçante pour ceux qui l'interrogent. Elle reformule les questions qu'on lui pose et y répond parfois avec une pointe de mépris. Pour la réalisatrice Alice Diop, qui a assisté au procès, c'est une surprise. Fabienne Cabou fait peur. Le premier procès, en fait, on est arrivés toutes et tous avec beaucoup de fantasmes, beaucoup de projections. Il y avait quelque chose d'une fascination, d'un intérêt, d'une curiosité. Et je dirais qu'elle nous a battu froid. Elle a paru tellement cassante, tellement froide, tellement monstrueuse. Je pense qu'elle a perdu son procès le premier jour. Enfin, il y avait quelque chose de tellement distant, de tellement effroyable. Elle a paru extrêmement détachée de la gravité des faits, de ce qui se passait. Je crois que c'est l'avocat général qui lui dit « Vous, vous êtes présentée à ce procès comme une reine sur un trône. » Et c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. En tout cas, je ne peux parler que de mon effroi et de la manière dont je suis tombée de haut en la voyant ce premier jour. On se lève, s'il vous plaît. L'audience est reprise, vous pouvez vous asseoir. En ce 20 juin 2016, premier jour d'audience, Fabienne Cabou se raconte une vie de solitude depuis le divorce de ses parents, alors qu'elle est une enfant de la bourgeoisie intellectuelle de Dakar, une belle-mère méchante, un père absent, l'exil volontaire à Paris après le bac, la découverte de la philosophie sur les bancs de l'université, qu'elle abandonne pour des raisons financières. Et finalement, en 2001, la rencontre avec celui qui allait devenir son compagnon, Michel Lafon. De 30 ans sa cadette, elle l'a rencontré à un dîner à Paris avant d'emménager 6 ans plus tard dans l'atelier où cet ancien cadre à la retraite pratique la sculpture. Là, explique l'accusé, elle s'est isolée chaque jour un peu plus, coupant les ponts avec le monde. Elle décrit les balades dans le bois de Vincennes, seule, son accouchement, seule, sa détresse, seule. Quant à Michel Lafon, elle l'appelle le déserteur. Elle décrit aussi les mots profonds, des hallucinations visuelles, des voix dans sa tête, les sorts qu'on lui jette. Il y a les araignées qui surgissent dans l'atelier, énormes. Les gros papillons qui tournoient devant ses yeux. La musique qui s'allume toute seule, les murs qui tonnent. Fabienne Cabou se sent persécutée, envoûtée, habitée par des esprits malveillants, ceux des femmes de sa famille, celui de l'ex-femme de Michel Lafon également. Michel, à qui Fabienne raconte ses démons, évacue par un truisme. C'est dans sa tête, oui, on avait compris. Alors, la jeune femme cherche ailleurs des réponses à son mal-être. La philosophie lui offre la possibilité de rationaliser, tandis que des marabouts apportent d'autres réponses à ses angoisses. Et c'est là la seule explication que l'accusée donne à la cour en ce 20 juin 2016. Si elle a laissé sa fille mourir sur cette plage à Berck, c'est parce que quelque chose, quelqu'un l'y a forcé. Elle a lutté, affirme-t-elle, mais sans succès. Je l'ai tuée pour la préserver de quelque chose de pire que la mort. J'ai vraiment le sentiment d'avoir été fauchée par l'assassin qui a tué ma fille par mes mains. Je veux savoir qui il est. J'avais l'impression d'avoir une arme sur ma tempe. Il y a deux volontés dans ma tête. J'ai parlé de sorcellerie et je ne plaisante pas. Quelqu'un de stupide, dans un coma éthylique, ne fait pas ce que j'ai fait. Or, on dit que je suis intelligente. En squelette de phosphore, la terre tremble sur le port downtown. Port-au-Prince dans la poussière, fracasser les ministères downtown. Séduisant et mauvais fait, le diable fait ses affaires downtown. Homme feuille, masque de perles, robe blanche qui déferle downtown. Je me fais le messager de ces grands guerriers absents, de tous ces corps déchirés, de ces yeux rouges de sang. Mais ma plume, ce poignard triste, n'apportera pas la paix. Banjo puissant, banjo triste, solitaire sur mes couplets. Barreau samedi noir et blanc me regarde en souriant. J'entends l'appel des tambours, les chansons redoux m'entourent. Suis-je encore mort ou vivant? Je n'en sais rien pour l'instant. Suis-je encore vivant ou mort? Pas encore. Tambour voilé du vaudou, semblant venir de partout, la nuit monte. Haïti sur la faille, on peut y voir ses entrailles, la nuit monte. Mais la lune est là toujours, bien cousue sur du velours. Baron samedi noir et blanc me regarde en souriant. Baron samedi noir et blanc me regarde en souriant. J'entends l'appel des tambours, les chansons redoux m'entourent. Suis-je encore mort ou vivant? Je n'en sais rien pour l'instant. Suis-je encore vivant ou mort? Pas encore. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Devant la cour d'assises du Nord, Fabienne Cabou affirme donc qu'elle est ensorcelée. Sorcellerie. Le mot a été lâché 3 ans auparavant dans le bureau d'Hervé Vlaminck, le juge d'instruction, qui l'interrogeait alors pour la 4e fois. Lorsqu'il lui demande ce jour-là si la force qui la pousse malgré elle est d'ordre culturel, elle remplace les termes contrainte et mécanique qu'elle employait alors par sorcellerie. Des femmes de sa famille au Sénégal l'auraient envoûtée, la contraignant à subir les assauts d'une puissance malveillante. L'avocat général Luc Frémiot estime que c'est le juge d'instruction qui a suggéré à Fabienne Cabou la croyance animiste comme stratégie de défense. Maître Roy Nancion, elle, affirme que sa cliente, qui a grandi au Sénégal et qui consulte régulièrement des marabouts, se considère bel et bien victime d'esprits maléfiques, et ce depuis longtemps. Elle l'explique à Nejma Ouakra dans une histoire particulière sur France Culture. Le vaudou, c'est l'explication et la seule explication que Fabienne ait trouvée à son geste. Puisqu'elle réfute absolument l'idée d'être malade, alors il faut qu'elle cherche ailleurs. Mais je ne peux pas plaider la sorcellerie, même si Fabienne veut que je plaide la sorcellerie. Parce que je suis face à un jury qui, comme moi d'ailleurs, ne sait rien de la sorcellerie africaine. Pour parler du vaudou, il faut connaître le vaudou. Et je n'y connais strictement rien. Donc je présente simplement cette explication comme étant la sienne, et je dis, droit dans les yeux à ce jury de blanc, bah, « Attendez, vous y croyez pas aux sorcières ? Qui parmi vous est allé voir une voyante un jour ? Personne ne le dira, là. Hein. Si je pose la question, personne ne lève la main. On a tous un peu honte quand on est allé voir une voyante, voilà une carte ancienne. Fabienne, c'était le vaudou. » Mais je sais d'avance que cela fera l'effet d'une tache d'huile sur une toile cirée, c'est-à-dire que ça va glisser. Voilà, mais il faut bien que je le sorte. Pour l'avocat général Luc Frémiot, si Fabienne Cabou parle de sorcellerie et de marabout, c'est par pur opportunisme, afin de se déresponsabiliser. Car le magistrat a sa propre conception des faits et sa propre approche. Et il veut convaincre le juré que l'accusée n'est pas la femme sous influence qu'elle prétend être, mais tout simplement une manipulatrice, une menteuse. Il est dans son rôle, et au 2e jour du procès, le 21 juin 2016, il n'aura de cesse de confronter Fabienne Cabou à ses mensonges. Car depuis plusieurs années, la jeune femme ment. À ses parents d'abord. Elle s'invente un diplôme qu'elle n'a pas passé, dit poursuivre des études qu'elle a arrêtées, et dès la naissance de sa fille. À son compagnon Michel Lafont, elle assure préparer une thèse en philosophie alors qu'il n'en est rien. Elle lui emprunte près de 90 000 euros sous prétexte de construire une maison au Sénégal, mais dépense l'argent en consultation de marabout. Enfin et surtout, elle lui cache son accouchement, affirme qu'elle a déclaré l'enfant alors qu'il n'en est rien, et invente un départ en Afrique pour la petite Adélaïde qui n'aura jamais lieu. Pour la présidente de la cour d'assises de Saint-Omer, Claire Le Bonnois, ces mensonges répétés mettent Fabienne Cabou au pied du mur en 2013. Autrement dit, soit elle dit tout, imagine la juge, soit c'est le passage à l'acte. Faire disparaître cet enfant, c'est faire disparaître ses problèmes. Justine Sago, qui suit le procès de Fabienne Cabou pour France 3 Nord-Pas-de-Calais, conclut ainsi son reportage au soir du 2e jour d'audience. Oui, écoutez, ce qui frappe, c'est la succession de mensonges de Fabienne Cabou au père de l'enfant, Michel Lafont, qui, rappelons-le, était le seul au courant de l'existence de la petite fille. De l'autre côté, on a un père, un compagnon qui a sa propre famille, qui a déjà ses propres enfants avec son ex-femme, qui ne vérifie rien de ce que lui dit la jeune femme et qui est absent le jour de l'accouchement. Alors, hier soir, vers 22h, Michel Lafont a quand même tenté de donner des explications. Il dit qu'il a adoré cet enfant avec qui il a vécu un Saint-Mandé. Il évoque aussi les crises de paranoïa et de jalousie de la jeune femme et ne s'explique toujours pas le geste de Fabienne Cabou. Ce à quoi Fabienne Cabou répond que pour lui, la petite Adélaïde était encombrante, qu'il avait souvent autre chose à faire. Bref, la petite Adélaïde était un enfant caché, coupé du monde, dans un couple en déliquescence. Le témoignage de Michel Lafont, le père de la petite Adélaïde et le compagnon de Fabienne Cabou, est très attendu à Saint-Omer. Car c'est l'autre présumé coupable de cette affaire, non aux yeux de la justice, puisqu'il a été mis hors de cause, mais aux yeux de la morale. Certes, Michel Lafont a perdu sa fille et il a fait les frais des mensonges de sa compagne à de nombreuses reprises. Et dans son ordonnance de renvoi, le juge d'instruction le décrit très durement. Certaines de ses réactions, écrit le magistrat, constituent des éléments à décharge pour Fabienne Cabou. Hervé Vlaminck énumère ainsi, je le cite, son manque d'implication lors de la grossesse, son absence totale de curiosité, il n'a pas cherché à effectuer les démarches liées à la naissance d'un enfant, ou encore la facilité avec laquelle il a accepté le soi-disant départ d'Adélaïde. Michel Lafond n'a pas parlé de sa fille, non, à personne, pas même à son ancienne compagne, ni à la fille qu'ils ont eue ensemble. Pas plus que Fabienne Cabou, il n'a fait officiellement exister la petite fille. Et face aux souffrances exprimées par la mère d'Adélaïde, les hallucinations, l'isolement, le sentiment de persécution, il n'a rien fait. Autant de griefs auxquels Michel Lafond va tenter de répondre à la barre en livrant sa version des faits. Face au juré, il décrit une femme secrète et solitaire dont il a voulu respecter les choix et la nature. Certes, il a souvent été naïf, concède-t-il, mais c'est parce qu'il l'aimait profondément. À chaque fois qu'elle a menti à propos de sa thèse, de ses empreintes, du bébé, il a fait le choix de la croire, comme une preuve d'amour, et parce qu'il est comme ça, Michel. Devant le tribunal, il se montre compréhensif, doux, sans colère, avec celle qu'il dit aimer encore. Il décrit un couple au fonctionnement peu commun, bien sûr, mais plein d'amour pour la petite Adélaïde. Fabienne Cabou adore le thé, elle l'amassait chaque jour, elle la nourrissait de petits pots faits maison. Corinne Aubon, correspondante de France Inter à Saint-Omer, rapporte ainsi la plaidoirie de Maître Saint-Palais, l'avocat de Michel Lafond. Avez-vous conscience de ce qu'il a vécu depuis ce jour où le téléphone a sonné dans l'atelier? Il apprend que sa fille est morte, que sa fille a été tuée, que sa fille a été tuée par sa compagne. Ce père qu'on a dit faible, absent, fuyant, Maître Saint-Palais porte sa voix avec force. Il est resté debout, élégant. Cette femme qu'il a aimée, il l'a profondément respectée. Il a respecté son choix de garder son enfant. La petite Adélaïde a été aimée par ses deux parents et la fin de l'histoire n'y change rien, assène Christian Saint-Palais. Michel Lafond est la principale victime dans cette affaire. Il se tient sur le banc des parties civiles sans se plaindre. Il a une seule exigence, que la justice soit bien rendue. La voix de l'avocat enfle. Fabienne Cabou souffre d'une psychose. N'ayez pas peur d'écouter les médecins. Il faut que votre justice triomphe de ce délire. Il faut une sanction. Mais une sanction pour une femme malade, ce n'est qu'à ce prix que vous remplirez l'œuvre de justice, termine Maître Saint-Palais. Dans le box, Fabienne Cabou, un mouchoir à la main, essuie ses larmes. Une femme malade, dit l'avocat de Michel Lafond. Et c'est sans doute là l'enjeu principal du procès de Fabienne Cabou, malade. Tout va tourner autour de ça. Le 23 juin, au quatrième jour d'audience, les différents collèges de psychiatres et de psychologues qui ont examiné l'accusé sont attendus à la barre avec beaucoup d'impatience. Parce que leur diagnostic et la façon dont il sera interprété par les jurés peut faire changer le cours du procès et éviter à l'accusé la réclusion criminelle à perpétuité. Car si les experts concluent à une abolition du discernement, c'est le jargon, l'accusé sera reconnu pénalement irresponsable. Pour le psychologue Alain Penin et le psychiatre Louis Roure, le constat est sans appel. L'accusé ne souffre d'aucune pathologie mentale. Il souligne le fonctionnement magico-religieux de Fabienne Cabou, qui a radicalement modifié son rapport au monde, mais il ne conclut pas à l'abolition du discernement. Le second collège, composé des docteurs Maroussia Vilquin, Roland Coutenceau et Daniel Zaguri, va proposer une contre-expertise, comme l'explique Justine Sago sur France 3. Oui, Daniel Zaguri est une pointure de la psychiatrie. Il a expertisé les plus grands criminels comme Guy Georges ou Michel Fourniret. La cour d'assises était donc suspendue à son expertise. Et le moins que l'on puisse dire ce matin, c'est qu'il lève le doute. Il m'arrive d'avoir des doutes, mais là, je n'ai aucun doute. L'accusée est délirante. Ça n'est pas une petite menteuse, c'est une grande délirante. On a donc senti un certain flantement dans la cour d'assises. Zaguri qui enfonce le clou sur l'état mental de l'accusée. Derrière ces histoires de sorcellerie, de marabout, il n'y a pas une femme qui ment. Il y a une femme qui tente d'expliquer son geste. On l'écoute. On a affaire effectivement à un profil très particulier et que la dimension délirante n'a pas, à mes yeux, été suffisamment vue derrière la problématique culturelle. Fabienne Cabou est un cas historique, estime le psychiatre Daniel Zaguri, tant son état mental est complexe. Alors soyons précis avec des notions précises. Complexe d'abord parce que la psychose délirante chronique à dimension persécutive que le second collège d'experts lui diagnostique se mêle à des considérations culturelles, les croyances animistes de l'accusé. Complexe également parce que son intelligence et sa maîtrise du langage donnent à tort un sentiment de contrôle quand elle est en réalité submergée par sa maladie. Pour autant, et contre toute attente, le second collège d'experts ne conclut pas non plus à une abolition du discernement, mais à une altération, un terme qui ne suffit pas à prononcer les responsabilités pénales de l'accusé. Selon les trois psychiatres, Fabienne Cabou conserve un certain sens critique. Comme en témoigne par exemple cette confession au premier jour du procès. Elle avait dit « Je lui ai demandé pardon avant de la déposer sur la plage, parce que je suis consciente que je vais probablement lui faire du mal. » Fabienne Cabou serait donc en partie consciente qu'elle tue sa fille. Pour l'avocat général Luc Frémiot, qui requiert 18 ans de réclusion, peu importe les différentes expertises des psychiatres, au cinquième et dernier jour du procès, il évacue dans son réquisitoire ce qu'il considère comme de vaines controverses, allant même jusqu'à dire « je me moque des psychiatres ». Parce que pour lui c'est clair, l'accusée a menti à son compagnon et à ses proches, comme elle ment aujourd'hui à la cour. Elle a planifié la mort de sa fille avec la même froideur que celle affichée lors de ses audiences. « Vous avez vidé cette salle d'assises de toute émotion », lui dit-il. Un réquisitoire que Caroline Arnold résumait ainsi sur France 3 Nord-Pas-de-Calais. L'une des questions centrales de ce procès est de savoir si Fabienne Cabou était pleinement consciente de ses actes au moment du meurtre de la petite Adélaïde ou si son discernement, au contraire, était altéré, comme l'ont affirmé plusieurs experts psychiatres cette semaine. Eh bien, au début de ces réquisitions, l'avocat général a semblé totalement écarter cette question. Psychose ou névrose, peu m'importe, a dit Luc Frémiot, avant de raconter Adélaïde, ce petit fantôme trop absente du procès, Adélaïde dont le meurtre a été selon lui prémédité, planifié par rancœur. Et pourtant, en ne requérant que 18 ans de réclusion criminelle, là où Fabienne Cabou en risquait jusqu'à 30, en assortissant cette demande d'une demande de soins, l'avocat général semble avoir entendu au moins en partie les psychiatres. Place maintenant aux plaidoiries de la défense. Le verdict est attendu dans les toutes prochaines heures. Pour l'avocate de la défense, Fabienne Roy-Nancion, il s'agit, et ce sont ses mots, de faire remonter les jurés de la plage. Pour éviter à l'accusée la rétention criminelle à perpétuité, en effet, elle doit éloigner le jury de l'horreur que produit un tel acte, l'infanticide, pour l'amener à s'approcher au maximum de Fabienne Cabou, de sa complexité, de sa folie, de son humanité, malgré tout. Alors, l'avocate souligne la solitude abyssale de cette femme coupée du monde, qui n'a pas de ressources, pas de sécurité sociale, pas d'amis. Une femme fantôme, accompagnée de son enfant fantôme, plaide-t-elle. Pas un monstre, mais un être qui a terriblement, dramatiquement basculé dans la folie. Fabienne Cabou fond en larmes, son avocate la prend dans ses bras. La cour se retire pour délibérer. Le verdict tombe dans l'après-midi, 20 ans. L'incompréhension. À la sortie de l'audience, l'avocate de Fabienne Cabou semble accuser le coup. 20 ans de réclusion criminelle, la peine est sévère, inattendue. Un verdict qui étonne jusqu'à certains avocats de la partie civile. Cette femme qui a commis un acte criminel, bien sûr, pendant 20 ans en prison, alors que nous savons qu'il s'agit d'une grande malade mentale. Et c'est une situation vertigineuse pour moi et tout à fait effrayante. Cette femme a certainement davantage besoin de soins que d'enfermement. C'est la condamnée à la folie. Il faut qu'elle soit prise en charge. Et à nouveau, on est à un cheveu de l'abolition totale du discernement. Ça veut dire qu'il faut réfléchir à ça. 20 ans de prison assorti d'un suivi psychojudiciaire avec injonction de soins. Un verdict effrayant selon l'avocate de la condamnée qui va faire appel. En septembre 2017, c'est donc un second procès qui s'ouvre à Douai. Et Fabienne Cabou, qui plaide non coupable, dérange à nouveau. Sa façon de parler, sa froideur, son intelligence, sa culture, l'explication qu'elle donne à son geste, la sorcellerie, l'irrationnel. Rien ne change, tout dérange. Mais cette fois, à la différence du procès de Saint-Omer en juin 2016, les experts psychiatres sont entendus dès le début du procès et non pas à la fin des audiences. Le premier élément dont les jurés prennent connaissance, ce n'est donc pas comme en 2016 l'habitude que l'accusé a de mentir à tout le monde, mais sa psychose délirante. Un un prisme, celui de la maladie mentale, qui va orienter le regard de la cour sans pour autant la convaincre d'annuler la condamnation. Ainsi, le 15 septembre 2017, les jurés réduisent la peine de Fabienne Cabou de 20 à 15 ans de réclusion criminelle. Because you're mine, yeah, you're mine. Boy, you better stop the things you do. Écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'affaire Fabienne Cabou, dont nous parlons avec notre invité Pascal Robert-Diard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chroniqueur judiciaire au Monde depuis près de 20 ans. Vous avez couvert, outre de très nombreuses grandes affaires, les deux procès de Fabienne Cabou en 2016, puis en 2017 en appel. Alors, commençons par le premier, c'est logique. Quelle est l'image que vous gardez du premier procès? Qu'est-ce qui vous a frappé? Quels souvenirs vous en gardez? C'est compliqué parce que cette affaire m'a beaucoup troublée. Je me suis vraiment retrouvée dans ce que dit la réalisatrice Alice Diop, c'est-à-dire dans l'effroi. Mmh. Dans l'effroi que j'ai éprouvé au début et qui était lié, je pense, à une erreur que nous collectivement, la presse, avons tous commise. Enfin, d'ailleurs, je pense que beaucoup de gens l'ont commise, les gendarmes, le juge d'instruction, son avocate aussi, c'est-à-dire une forme de fascination pour cette femme parce qu'on la trouvait très belle, qu'on la savait très intelligente, et qu'on en avait fait un personnage qui s'est totalement déchiré à l'audience. Donc ça a été très très troublant et très effrayant en fait. Dès la première audience ? Dès la première audience, surtout à la première audience, parce qu'en fait, je vous donne un exemple. Moi, je m'en suis beaucoup voulu d'avoir écrit dans ce qu'on appelle les avant-papiers, mais je pense qu'on avait tous à peu près écrit la même chose. On parlait d'une certaine manière, on employait le verbe déposer. Elle a déposé son enfant sur la plage. Oui. Et il y avait quelque chose de mythique là-dedans, d'extrêmement faussé. Elle a noyé son enfant. Et bien sûr. elle a attendu que la, on a su en plus à l'audience qu'elle avait, elle avait attendu les, puisque elle était les deux pieds dans le sable et qu'à un moment donné elle raconte que l'eau monte jusqu'à ses mollets, donc elle attend que la mère recouvre et emporte son enfant, donc elle la noie, elle ne la dépose pas. Il y avait rien. Or on décrivait un espèce de geste un peu romantique et tout d'un coup ça, effectivement, face à la, la découverte de cette femme qui nous a, je pense, qui nous a tous fait peur avant qu'on aille effectivement, voilà, derrière dans une tentative de compréhension. Et vous avez raison d'insister sur le mode opératoire épouvantable, on l'a pas trop dit dans le récit parce que c'est épouvantable, mais faut pas passer à côté, effectivement, elle l'a pas déposé, elle l'a noyé. Pendant l'instruction, puis pendant le procès, Fabienne Cabou parle de sorcellerie, donc elle explique son geste par un ensorcellement vaudou. Alors c'est pas une défense commune hein, dans une cour d'assises, excusez-moi je suis possédé, c'est quand même moyen d'avoir une justice censée être rationnelle. D'ailleurs au procès, l'avocat général ne croit pas à la sorcellerie rationnelle, mais un infanticide peut-il être expliqué rationnellement ? Mais non, c'est justement ça. On est en manque d'explications. C'est un crime absolu parce qu'une mère ne tue pas son enfant. Enfin, bien sûr que si des mères tuent leur enfant, mais je veux dire dans l'interprétation commune, une mère ne tue pas son enfant. Donc on a besoin d'explications. Et cette explication, mais d'ailleurs ça, Fabienne Roy-Nancy le dit très très bien. Elle dit qu'effectivement, elle se retrouve. C'est une accusée noire avec une double culture. Et cette explication de sorcellerie, on a du mal, on n'entre pas, les magistrats sont tous blancs, tous ceux qui la jugent sont blancs, ceux qui l'observent sont blancs, et n'ont pas cette culture-là, et donc effectivement, si vous voulez, la vision de l'avocat général selon laquelle c'est une sorte de porte de sortie qui lui a été proposée par le juge d'instruction, d'ailleurs à l'époque, on l'entend, c'est-à-dire qu'on se dit, mais finalement, est-ce qu'elle n'est pas encore en train de manipuler? Est-ce qu'elle n'est pas encore en train de mentir là-dessus? C'est après seulement qu'on comprend qu'elle est malade. Il y a quelque chose de... Ça fait d'ailleurs encore plus peur. Mais oui. C'est très troublant. Effectivement, je le suis aussi quand on essaie de comprendre un acte comme ça. Il y a quelque chose du mythe aussi, un mythe Médée, peut-être. C'est quelque chose qui vous a parlé, vous inspiré, vous qui teintez vos chroniques judiciaires d'une certaine dimension littéraire. Oui, moi je l'ai vu. Mais d'ailleurs, c'est encore une fois, c'est une chose que je me reproche, c'est-à-dire que j'ai vu Médée. Et en fait, ce que j'ai écrit dans un de mes papiers, j'ai dit elle est entrée en Médée et elle est ressortie en malade. C'est-à-dire que on a fantasmé cette femme, on a beaucoup projeté sur elle, sur son, encore une fois, sur sa beauté, sur son intelligence, sur elle était très droite, elle s'exprimait dans un français qui était une perfection, elle choisissait ses mots, mais tout d'un coup, pour basculer de cette image-là à l'image d'une femme atteinte d'une psychose, c'était difficile, parce que les fous, on les voudrait avec un bonnet sur la tête, quoi. Je veux dire, avec on avait du mal à faire coïncider ces deux images. Et puis il y a eu ce qui a été très très marquant. Mais ça apparaît très bien dans votre récit, c'est la découverte du père de l'enfant. C'est-à-dire de cet homme qui était entré en coupable, alors lui, pour le coup. Il allait passer un sale quart d'heure, il allait être traité de tous les noms, il l'avait abandonné, et puis on découvre un père qui s'est occupé de sa fille, mais de façon permanente, qui était vraiment en admiration devant cet enfant, et dont d'ailleurs Fabienne Cabou elle-même dit qu'il s'en occupait bien plus qu'elle. C'était lui qui la sortait au parc, c'était et lui pourtant, qui la juge, billait, le juge l'avait pas, qui... le juge l'avait pas loupé quand même dans son instruction. Mais c'est ça qui était incroyable. C'est pour ça que cette fascination, alors la folie est venue expliquer tout ça en appel. Et ça, on va en parler effectivement. On va parler justement de ce deuxième procès. Je vous bouscule un peu parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Allez-y. Voilà. On se retrouve donc dans 3 minutes et on parle du procès en appel où des choses vont se jouer. Baby, come make me feel sane, baby. Come make me feel sane. lost my efforts to align my soul and self. Now I found what I wanted, I don't watch nobody else. Feelings deep in my soul, never felt this whole. Had a taste of you, baby, I don't want you to go. Don't leave me alone, I'm good that I know. But you and me equals mine, you're the one I adore. Come make me feel sane, baby. Come make me feel sane, baby. Miss having your hands on me. Come make me feel sane, baby. Come make me feel sane, baby. I'm waiting here patiently. I want to get lost inside of you. Lose myself in your eyes so blue. Hold my gaze while we venture through trees of green, fields of me, piles of you. Let's get to it. Come make me feel sane, baby. Come make me feel sane, baby. Miss having your hands on me. I'm waiting here patiently. Come make me feel sane, baby. Come make me feel sane, baby. Miss having your hands on me. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Pascal Robert-Diard. Donc, deuxième procès, celui-là en septembre 2017, en appel. Deux questions en une, parce qu'elles sont liées. Quelle est l'atmosphère lors de ce deuxième procès? Est-elle différente et très différente de celle du premier? Et surtout, quel est le comportement de l'accusé qui est en prison depuis 4 ans, hein, au moment où elle est en appel? Absolument. Donc déjà, la première surprise, c'est qu'elle ne plaide pas coupable. Ça, c'est déjà, les premiers mots sont assez impressionnants. Mais en fait, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'un président ou une présidente de cour d'assises a la maîtrise du déroulement de l'audience. C'est-à-dire que c'est lui qui choisit ou elle qui choisit de faire, d'examiner la personnalité ou les faits, ou etc. Et la présidente de la cour d'assises d'appel fait quelque chose qui va vraiment transformer le procès. Complètement l'orienter différemment. Elle va faire déposer en premier les deux experts psychiatres qui, dont Daniel Zaguri et Maricia Vilquin, qui eux penchent pour une altération du discernement. Et en fait, ils vont être aussi, ils vont être d'abord très pédagogues, parce ils ont le sentiment d'être passés à côté lors du premier procès. Ils vont vraiment être très très bons. Et donc, dès l'ouverture du procès, on va être éclairé par cette petite lanterne des psychiatres qui nous explique que tout ce que nous avons pu prendre, tout ce qui est insupportable, qui peut être considéré comme de la manipulation, comme du mensonge, etc., sont en fait les signes d'un délire et la manifestation de la psychose dont est atteinte Fabienne Cabou. Et donc, à travers cet éclairage-là, le procès en appel va être complètement différent. C'est-à-dire que c'est une nouvelle explication et c'est une explication qui du coup atténue cet effet de trouble qu'elle avait suscité en première instance. Elle fait toujours aussi peur parce que d'une certaine manière la folie dont elle est victime, je dirais, est elle aussi très angoissante. Mais au moins on élimine en fait cette dimension de la sorcellerie qui était complexe, qui était étrangère, qui était très difficile à éprouver et qui nous éloignait d'elle en réalité. Et oui. Alors que la maladie, c'est un diagnostic et les choses s'éclairent davantage. Alors justement, nous y sommes, on a trois cas de figure finalement. On a soit un discernement complet et la personne est reconnue responsable et prend le maximum, soit on a l'abolition du discernement, peut-être que ça peut déboucher sur un acquittement peut-être. Et puis il y a entre les deux, si j'ose dire, l'altération du discernement. Est-ce que l'altération du discernement comme sorte de troisième voie finalement entre deux comportements expliquerait une peine qui reste lourde mais qui a un peu moins lourde que la première, parce qu'on passe de 20 à 15. Oui, c'est pas encore une fois, c'est une peine qui reste lourde. Oui, oui. C'est une peine qui est une peine prononcée contre quelqu'un qui est considéré principalement comme responsable de ses actes. Alors, les psychiatres avaient hésité, hein, ils s'étaient prononcés en faveur d'une altération très marquée, mais même avec une altération du discernement, elle restait responsable de ses actes. Donc, effectivement, la peine est atténuée. Florence Roy-Nancion avait appelé en soutien pour la défense le pénaliste Franck Berton. Et donc, ils sont deux. Il a un regard aussi nouveau. Il est peut-être plus, disons qu'il est moins proche de Fabienne Cabou que ne l'a été Fabienne Roy-Nancion, qui vraiment l'a vu dès le départ et qui a été très très très impressionnée par sa cliente. Je pense qu'il y a aussi une distance que crée Franck Berton. Et puis encore une fois, quoi, je veux dire, on a tout d'un coup cette explication de la maladie qui n'est pas rassurante, encore une fois, pas du tout, mais qui donne une explication, quoi, qui donne une, voilà, qui commence à expliquer le geste. Pascal Robert Diard, qu'est-ce que la justice peut apprendre d'un procès comme celui-là? Quelles leçons peut-elle en tirer? Elle qui fonctionne comme la science, finalement, le retour d'expérience, hein, la jurisprudence, c'est ce qui fait sa force. On l'a vu par exemple avec l'affaire Outreau. Depuis ce fiasco judiciaire, on a appris à mieux appréhender la parole des enfants. C'est un exemple parmi d'autres. Mais ce procès-là, qu'est-ce que la justice peut en retenir comme retour d'expérience? Déjà, je pense que la première chose, c'est de se féliciter une fois encore de l'existence d'un appel en cour d'assises. Oui. Alors, ce qui n'était pas possible avant 2002, c'est ça. Voilà. C'est pas possible. Cassation. On en a le bénéfice, puisque tout ce qui va vers l'intelligibilité, tout ce qui permet aux jurés, enfin à tous ceux qui vont avoir la charge de juger, de mieux comprendre est fondamental. Et c'est vrai que le premier verdict était vraiment un verdict d'incompréhension et un verdict de peur. Et je pense que le second verdict, le verdict d'appel, est un verdict qui englobe davantage, qui prend en compte, vraiment prend en compte, la fragilité psychique de l'accusé. Donc, la première chose que je retiendrai, c'est ça. C'est vive l'appel qui permet de comprendre. Après, moi, je retiens quand même ce que je vous ai Pascal, dit au début. Pascal, oui, Robert, il nous reste juste 15 secondes. Donc je vous demanderai de synthétiser. Oui, parce que je retiens, c'est ce que je vous ai dit au début, c'est que je pense que nous, la presse, on avait une part de responsabilité dans ce verdict qui était trop lourd, parce que je pense qu'on l'avait trop mythifié au début. Et oui. Et que du coup, la violence du premier procès, elle s'est aussi retournée contre nous. Et ça sera aussi pour vous et pour tous les journalistes un retour d'expérience, hein, évidemment. Exactement. Merci infiniment, Pascal Robert Diard. Merci. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire Fabienne Bacou, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Florent Bujon. Et puisque nous sommes vendredi, j'en profite pour remercier toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire, Jeanne Mayer, Bettina Lioré, Adrien Cara et Adrien Mora. Attaché de production, Rebecca de Nantes. Programmation musicale, Muriel Pérez. Lecture, Philippe Pierrard et Aurélien Labruyère. Coordination, Christophe Barrère. Réalisation, Marion Lelecoy, Nguyen, Benjamin Riquet et Stéphane Combe.